Bonjour cher Emmanuel, restons le temps d'une nuit, le temps d'une heure, le temps d'un songe, en été, en compagnie des personnages de la pièce de Shakespeare. Fées, troubadours et ducs, tous sont sous l'emprise de l'amour, un amour qui ensorcelle et où tout s'en mêle. Le songe d'une nuit d'été s'ouvre avec un père, Égée, qui vient porter plainte contre sa fille, Hermia, qui, alors qu'elle doit épouser Démétrius, est tombée amoureuse de Lysandre. Et c'est à Thésée, duc d'Athènes, qui lui-même s'apprête à épouser Hippolyta, que revient la responsabilité de trancher. Now, fair Hippolyta, our nuptial hour draws on apace. Four happy days bring in another moon. But oh, methinks how slow this old moon wanes. She lingers my desires like to a stepdame or a dowager long withering out a young man's revenue. J'en ai la respiration coupée. Alors, Égée, quelle nouvelle? Oh, épouvantable. Oui, vous avez devant vous un père qui vient porter plainte contre sa fille. Approche donc, Démétrios. Monseigneur, le garçon que voici m'a demandé la main d'Hermia. Elle est à vous, lui ai-je répondu. Et ma parole, c'est ma parole. Approche aussi, Lysandre. Mais voilà que monsieur est venu faire le joli cœur autour de ma maison. Non, non, inutile de protester. Bijoux, bonbons, billets enflammés, clair de lune et bouquets de violettes, tous les ambassadeurs de l'amour sont venus frapper à ma porte. J'ai eu beau ne jamais ouvrir, ils s'en sont retournés avec le cœur d'Hermia. Et maintenant, ma fille n'est plus ma fille. Eh bien, Hermia, quel sera votre dernier mot? Avant de me répondre, dites-vous bien que Démétrios est un garçon digne de vous. Lysandre aussi! Oui, mais à égalité, c'est Démétrios qui l'emporte, puisqu'il a toutes les qualités de son concurrent, plus la parole de votre père. Un père ne devrait regarder les prétendants qu'à travers les yeux de sa fille. Et une fille ne devrait prononcer des oui et des non que par la bouche de son père. Je supplie votre grâce de me pardonner, je ne me retrouve plus moi-même. Je ne sais quel démon s'est abattu sur mes pensées, les plus secrètes. Les soulève comme autant de plumes gonflées et force ma langue à parler malgré moi, malgré ma condition de jeune fille, malgré la présence de votre seigneurie. Je vous donne jusqu'au lever de la nouvelle lune, qui sera le premier signal des fêtes de mon mariage. Cette nuit-là, vous épouserez Démétrios, ou bien vous irez prononcer des vœux éternels sur l'autel de Diane. Ah non, Démétrios, Égée, suivez-moi. J'ai besoin de vous pour régler certains détails de nos cérémonies. Oh, mais vous accompagnez, monseigneur, mais c'est pour nous un devoir, un plaisir, un ravissement, un délice. Bonjour, Gisèle Venet. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Un père désespéré de voir sa fille en aimer un autre que le gendre qu'il sait choisi, un mariage qui se prépare, finalement l'intrigue du début du songe d'une nuit d'été est tout à fait classique. Or, la pièce, elle, ne l'est pas. Oui, ça commence comme une tragédie à venir. La jeune fille rebelle. Et au moment même où on allait célébrer des noces, c'est-à-dire que de nouveau Shakespeare se met des bâtons dans les roues, dans ses propres roues, c'est-à-dire tout commençait bien avec Thésée et Hippolyta, qui commençait pas si bien d'ailleurs, puisque tout de même il l'avait gagné au fil de l'épée, Hippolyta, qui elle-même amazone n'aurait jamais dû céder. Donc on a déjà là un détournement naturellement de ce qu'il fallait attendre, mais de surcroît, Thésée va pouvoir juger du bien fondé de l'autorité paternelle. Donc Shakespeare, on le sent bien, commence déjà à jouer avec ses propres thématiques qu'il a prises au sérieux ailleurs, puisque la même année, il écrit Roméo et Juliette, et que Juliette va en mourir de la désobéissance au père. Donc Shakespeare sait exactement ce qu'il fait quand il manipule l'attente de ses spectateurs, l'attente de son public, ce cher public sur lequel il compte, effectivement, pour pouvoir lui jouer des tours et jouer tous les tours pendables sur sa scène, y compris aux amants. Puisque ces amants-là, qui sont 6 sur 2, dont Hermia, va subir dans la forêt le pire des affronts, elle va voir celui qu'il aime en aimer un autre. C'est le pire de ce qu'on puisse lui infliger. Vous diriez que le songe d'une nuit d'été, qui a été rédigé en même temps que Roméo et Juliette, est le versant comique de Roméo et Juliette ? Shakespeare s'en moque lui-même, parce que sa tragédie est intitulée « La très lamentable tragédie de Roméo et Juliette », et ici, on va nous mettre en scène « La très lamentable comédie de Pyram et Thisbé ». Qui est une histoire atroce, qui a fait pleurer tout le Moyen-Âge, on la récitait, on la chantait, on la traduisait, c'est une des histoires tragiques les plus répétées, les plus publiées au Moyen-Âge, Pyramide Thisbé. Et qu'on retrouve dans Le Songe, puisqu'il s'agit de la pièce de théâtre qui est mise en scène du début à la fin de la pièce. Par les comédiens. Voilà, par les comédiens, par les artisans, par ces grossiers artisans, et en même temps très émouvants. Effectivement, Shakespeare s'amuse de son propre théâtre, c'est-à-dire probablement qu'il vient à peine de finir Roméo et Juliette. Gisèle Venet, vous avez co-dirigé avec Jean-Michel Desprats l'édition des œuvres complètes de Shakespeare chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. On vous doit également une édition critique bilingue du Songe d'une nuit d'été aux éditions Gallimard, toujours avec, dans la traduction de Jean-Michel Desprats, un ouvrage intitulé Temps et vision tragique, Shakespeare et ses contemporains aux éditions Presse de la Sorbonne Nouvelle. Autant dire que vous connaissez tout Shakespeare est sans doute mieux que personne. Diriez-vous que Shakespeare est le dramaturge de l'amour, puisque c'est ce thème qui nous intéresse cette semaine? Il n'est jamais positivement le dramaturge de quoi que ce soit. Il est toujours le dramaturge d'une chose et son contraire. Il nous montre toujours l'envers et l'endroit. C'est ce qu'il va faire avec génie dans Le Songe. C'est-à-dire qu'on aura toujours l'envers des choses. Hermia, qui est absolument sûre d'elle, qui aime Lysandre et qui en est aimée, va faire l'expérience du serpent dans la bergerie, c'est-à-dire qu'elle va se réveiller en pleine forêt, seule, abandonnée, et elle a senti la morsure du serpent, qui va être la morsure, effectivement, de l'abandon par Lysandre, ce qu'elle n'avait jamais imaginé devoir être. Et donc, Shakespeare joue tout le temps avec le prototype d'un amour, et puis l'envers. Alors, il joue aussi avec ce qu'on attend de son temps. On est encore dans la vision de l'amour toujours, bien entendu, qui rime avec toujours, et puis alors surtout l'amour au premier regard. Alors, c'est ça qui va être central dans Le Songe, puisque tout le monde va être victime de cette fameuse petite fleur d'Occident qui fait que tous ces amants dans l'Occident... jusqu'à la Renaissance, effectivement, sont censés s'être aimés au premier regard. Et donc, Shakespeare va se moquer absolument à tout moment et sous toutes les formes de cet amour au premier regard, en utilisant cette fameuse petite fleur d'Occident qu'il met dans les mains imprudentes de Puck, le lutin. Précisons qu'aux côtés des Athéniens, que nous avons présenté en début d'émission et qui ouvre la pièce, gravitent deux autres mondes. Celui de Bottom et de Flûte notamment, qui répètent une pièce de théâtre pour le mariage, qui aura lieu à la fin de la pièce. Et celui des fées, où on trouve le roi Oberon et la reine Titania, et le serviteur Puck, qui vont venir distiller leur magie dans le monde des humains et ajouter à la puissance de la passion le sortilège de la potion. C'est-à-dire que non seulement il y a la passion amoureuse qui lie les personnages, mais il y a un sortilège, cette petite fleur de l'Occident qui va venir empoisonner, si on est pessimiste, ou au contraire émerveiller, si on est plutôt poétique, le cœur de ces individus déjà férus d'amour. Il y a donc une double couche qui relève de la magie au sein de ce texte. Oui, bien sûr. Oui, c'est la forme absolue de la magie, c'est-à-dire pouvoir transformer le monde tel qu'il est en ce qu'il devrait être. C'est-à-dire les amants se sont chamaillés, les amants se sont séparés, on va les réconcilier par une magie improbable dans la vie quotidienne probablement, mais effectivement dans Le Songe, il suffit de cette potion que Oberon connaît de toute éternité et que Puck va manipuler avec dextérité de temps en temps et naturellement toute la légèreté qu'il met dans ce qu'il fait. Il voit un Athénien, il lui met la belle fleur d'Occident dans les yeux. Et il se trompe. Ça n'est pas, naturellement, le bon Athénien. Ce n'est pas le bon costume. C'est le bon costume, mais pas le bon Athénien. Alors, on va écouter un extrait tout de suite. C'est la première scène de l'acte 2 du Songe d'une nuit d'été. On y entend Oberon, ici interprété par Francis Huster dans une interprétation de la Comédie française de 1974. Et Puck, qui est joué par Raymond Acquaviva, donc Oberon qui va charger Puck de récupérer cette fameuse petite fleur d'Occident sur laquelle est tombée la flèche de Cupidon, et il détient ainsi le pouvoir de renverser les situations amoureuses qui étaient celles dépeintes pour nous au début de la pièce. Titania s'éloigne avec sa suite, Oberon reste seul avec Puck. Va, cours, danse, amuse-toi, tu ne sortiras de ce bois que châtié comme tu le mérites. Viens ici, Puck. Tu te rappelles cette nuit où nous sommes montés au haut d'un promontoire? Je me la rappelle. Et ce dauphin que nous avons vu nager tout près du rivage et qui portait une sirène? Je me le rappelle. Une sirène qui chantait une chanson si harmonieuse que toutes les vagues la suivaient sans faire de bruit, de la plus grande à la plus petite, et que plusieurs étoiles soudain réveillées tombèrent du ciel. Je me la rappelle. Aussitôt la sirène disparut, j'ai assisté à un deuxième spectacle, mais celui-là, mes yeux seuls pouvaient le voir. Cupidon volait doucement son arc à la main, entre la terre et la lune. Il aperçut et mit en joue avec fureur une jeune religieuse qui faisait sa ronde sous le mur du couvent. Sa flèche enflammée se perdit dans l'herbe et s'éteignit. Sans doute, la religieuse n'en sut jamais rien, mais moi, je notais le point où sa flèche avait coché le sol. Puck, va donc me cueillir cette fleur que les filles nomment pensée d'amour. Si tu en fais jaillir la sève sur les paupières d'une personne endormie, homme ou femme, c'est l'amour que tu verses en elle. Tu la verras tomber amoureuse dès son réveil et de la première créature vivante qui lui apparaîtra. Va, rapporte-moi cette fleur et sois plus rapide qu'un vautour. Je peux passer une ceinture autour de la terre en 40 minutes. Tout à l'heure, Titania, quand tu seras endormie, prends garde à ton réveil. La première créature vivante sur laquelle tes yeux s'ouvriront, tu la poursuivras aussitôt avec toute la rage de l'amour. Et tant mieux si c'est un lion, ou un ours bien sale, ou un taureau stupide, ou un singe, ou même une guenon. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Aujourd'hui, un texte qui est au programme des prépas scientifiques cette année, tout comme le banquet dont nous parlions hier, ainsi que la chartreuse de Parme dont nous parlerons demain. Et au cœur de cette semaine amoureuse, c'est Gisèle Venet qui vient nous parler de ce texte sublime et incroyable. C'est vrai qu'il est truffé de rebondissements presque à chaque page. Le lecteur se perd un peu, mais en même temps, les personnages ne sont pas si nombreux et on se comprend assez rapidement quelle est leur fonction. Mais quand même, ici, on vient d'assister à une scène entre deux fées, disons Oberon et son serviteur, Puck. C'est très étrange de voir surgir des fées dans cet univers d'êtres humains. Shakespeare ne nous y avait pas habitués de cette façon-là. Et Athénien, puisque la Grèce, c'est le monde lumineux. Et dans cette Grèce lumineuse, on l'a fait vivre dans un bois profond. Effectivement, ce qu'on voit bien dans le film de Moschinski, qui montre dans des lueurs inquiétantes ces personnages qui viennent justement se chercher, se perdre dans l'ombre. Et ce qui est très beau là dans le texte que vous avez choisi, c'est cette poésie fabuleuse. Cette poésie lumineuse du monde avec les vagues qui poursuivent l'harmonie, etc., très harmonieux. Et puis tout d'un coup, cette blessure de Cupidon qui est effectivement la blessure amoureuse. Et pour une fois, la flèche a manqué son but, mais elle a créé cette petite fleur d'Occident qui va servir à Oberon dans sa mythologie. Et justement, c'est ce qui sert à Shakespeare à montrer poétiquement comment l'amour est aberrant, comment, quoi qu'il arrive, de façon aberrante, par le choix d'un mage ou par le choix d'un lutin, vous allez complètement changer d'amour, changer de désir. Et Titania, qui aimait passionnément Oberon, parce que c'est une vie querelleuse qu'ils se mènent, Oberon et Titania, mais ils sont quand même très amoureux l'un de l'autre. Ils se font des reproches parce qu'ils se trompent. Ils se trompent d'ailleurs avec Thésée, entre autres. Hippolyta peut-être trompé. Enfin, on a ce monde magique des métamorphoses d'Ovide. C'est ça, on pense voilà. À Junon et Jupiter. Hein, absolument, au couple mythique Junon et des Jupiter, métamorphoses. Ce sont tous ces. Alors Shakespeare n'écrit pas une pièce sans utiliser Ovide, qui est l'auteur de la plasticité du monde qui bouge, du mouvement, de la métamorphose, justement. Et il est anti-horacien, parce qu'Horace, c'est justement la clarté, déjà la clarté rationnelle, qui sera celle des classiques. Horace, ils vivent en même temps. Horace est l'auteur de l'art oratoire, hein, qui décrit un code à suivre pour s'exprimer. Voilà, il deviendra le grand maître du XVIIe siècle classique, mais pour l'instant, pour Shakespeare en tout cas, c'est évidemment Ovide. Parce que dans Ovide, tout bouge, et tout change, et tout se métamorphose, et on ne sait jamais ce qu'on a saisi. On est toujours au bord de la prochaine métamorphose. Et c'est exactement le monde du songe. C'est-à-dire, dès qu'on tient une quasi-certitude, quelque chose va intervenir qui va complètement modifier, comme on a une tragédie qui va se modifier au fil des heures dans le bois. et pas du tout devenir la tragédie qu'on croyait, c'est-à-dire la tragédie de l'affrontement d'une fille et de son père, mais de cette même fille, avec quelque chose d'infiniment plus pervers, c'est le serpent dans la bergerie et l'homme qui l'abandonne. Donc Shakespeare sait ce qu'il fait quand il est dans le monde des métamorphoses. Et à tout moment, il va changer les pistes, à tout moment, il va faire errer non seulement ses personnages, mais ses spectateurs. C'est le spectateur qui l'intéresse. C'est vraiment le spectateur qu'il va, dont il veut à la fois l'intelligence, la clarté d'esprit, la vigilance, l'humour, et puis cette capacité de changer, de se mouler dans ce monde sans cesse mouvant. Oui, au fond, l'amour pour Shakespeare est emblématique de notre rapport au monde. Finalement, cet aspect ondoyant, sans cesse mouvant, bouleversant et bouleversé ici par l'intervention des fées et des lutins, est à l'image de notre condition d'être mortel, qui pensons savoir mais qui ne savons jamais rien, qui pensons voir quand nous ne voyons qu'un décor. Il y a une réflexion ici qui est quasiment existentielle. Oui, il est dans le même univers que Montaigne. C'est-à-dire que nous sommes sur une branloire pérenne, que nous ne savons jamais où nous en sommes, que tout trompe. Et donc, oui, on est dans ce monde, on est dans ce monde fin de siècle. Entre Montaigne et Shakespeare, c'est vraiment la fin du siècle où on met en question tout l'humanisme et ses certitudes, toute cette belle clarté humaniste, la clarté de la raison humaniste, et où effectivement tout se bouleverse, et comme tout se bouleverse dans l'épistémé, dans la connaissance du monde qu'on a. Le grand philosophe de cette époque, c'est évidemment Giordano Bruno, qui va lui aussi bouleverser ce monde-là, puisqu'il va parler d'infini à un moment où personne n'en a jamais parlé. Il va parler de monde multiple, au lieu d'avoir ce monde unique entouré de sphères, et il va dire « j'ébranle toutes les sphères, il n'y a plus de sphères, il n'y a plus que l'infini ». On est donc à l'aube d'un nouveau monde et d'une nouvelle épistémé, d'une nouvelle façon de penser, et on voit que tout s'ébranle aussi dans les poétiques. Ça n'est pas un hasard si Shakespeare utilise des poétiques très classiques, comme Ovide, ou comme l'amour au premier regard, l'héritage de Pétrarque, enfin, etc. Et comment il bouleverse tout ça, il met tout à l'envers, absolument, pour que nous soyons tellement déroutés. De ce bouleversement, Shakespeare choisit d'en rire et de nous faire rire, et je dois dire que dans cette pièce, c'est toujours très réussi. Restons un instant en compagnie de Puck avant de retrouver le monde des Athéniens, Hermia et Héléna notamment. Puck qui, dans cet extrait, la scène 2 de l'acte 3, va raconter la farce ou le tour qu'il a joué à Bottom. Bottom est celui qui veut mettre en scène la pièce de théâtre qui sera ensuite célébrée lors du mariage entre Thésée et Hippolyta. Il va essayer toute la pièce de mettre en scène justement cette pièce sans forcément y parvenir. Eh bien, Puck va se moquer de lui et plutôt que de lui distiller la petite fleur d'Occident, va tout simplement lui mettre sur la tête une tête d'âne. Je me demande si Titania s'est réveillée et quel est le premier objet qui s'est offert à sa vue. De quoi est-elle amoureuse à la folie? Eh bien, esprit fou, quelle fête nocturne dans ce bois enchanté! Ma maîtresse est amoureuse d'un monstre! Tout près de sa retraite solitaire et sacrée, alors qu'elle était plongée dans son heure de sommeil, une troupe de paillasses, de grossiers artisans qui gagnent leur pain dans les boutiques d'Athènes, s'est réuni pour répéter une pièce destinée au jour des noces du grand Thésée. La cervelle la plus légère de cette stupide bande, celui qui jouait Pyrame, a quitté la scène et est entré dans un fourré. J'ai profité de l'occasion pour fixer sur sa tête une caboche d'âne. Alors, comme il devait donner la réplique à Satisfait, voilà mon pitre qui reparaît. Tous ses camarades se sauvent à sa vue. Ils crient au meurtre. Ils appellent Athènes au secours. Je les ai ainsi poursuivis dans la forêt, laissant sur place notre charmant Pyrame métamorphosé. Et c'est à ce moment, comme par hasard, que Titania s'est réveillée et s'est aussitôt amourachée d'un âne. La tombe, encore mieux que je ne pouvais l'inventer. Mais dis-moi, as-tu aspergé les yeux de l'Athénien avec le suc d'amour comme je te l'ai ordonné? Je l'ai surpris qu'il dormait, c'est aussi chose faite. Et l'Athénienne était à ses côtés, à son réveil, il ne peut pas manquer de la voir. Ne bouge pas! Non, ne bougez pas sur France Culture, les chemins de la philosophie, pour découvrir la suite du songe d'une nuit d'été. Alors, la farce est double, Gisèle Venet, parce que non seulement Puck s'est arrangé pour mettre une tête d'âne sur la tête de Bottom, mais en plus, la fée qui avait goûté la petite fleur d'Occident rencontre cette âne. Or, il était dit qu'elle allait tomber folle amoureuse du premier individu qu'elle allait croiser. Et elle croise cette âne. On a donc la reine des fées qui devient amoureuse d'un tisserand qui se veut comédien et qui a une tête d'âne. On est aussi ici au comble de l'ironie, du renversement total de toute forme de valeur. Oui, Shakespeare joue vraiment avec toute l'imagerie de son temps. Et surtout, il joue avec l'imagerie des érudits, des gens sérieux, qui prennent toutes ces mythologies très au sérieux, etc. Et il y a les métamorphoses de l'âne. Donc, les métamorphoses de l'âne deviennent chez lui métamorphoses de Bottom, qui est effectivement un artisan. Bottom, bien... en anglais, ça veut dire le derrière. Oui, ça peut dire aussi la bobine. Ça a les deux sens. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à le traduire en général, parce Bottom, que ouais. C'est difficile. Oui, mais il a de toute façon un nom assez grossier. Et il l'utilise d'ailleurs dans son fameux songe. Il dit que son songe n'a pas de fond. Et le songe de Bottom has no bottom. Voilà, il n'y a pas de fond à son... Shakespeare utilise absolument tout ce qu'il a sous la main, le langage, les mythes, c'est tout à fait étonnant la façon dont il retourne tout. Et effectivement, il y a une tradition de métamorphose, tout le monde connaît les métamorphoses, je crois qu'il s'appelait Lucius en âne, et donc ici, ça n'est plus la métamorphose érudite, ça devient la métamorphose de foire. C'est un homme ordinaire qui peut aller dans les foires avec sa tête d'âne et qui rencontre, comme vous l'avez mentionné, effectivement, qui rencontre Titania, une fée, la plus raffinée, la plus exquise, la plus minuscule des fées. Or, on sait que le sexe de l'âne est un sexe... extra-dimensionné. Shakespeare se moque de tout. Il prend toutes les occasions, effectivement, pour créer un burlesque supplémentaire, tout en gardant la poésie. On garde la poésie de l'esquisse Titania, qui d'ailleurs la retrouvera, puisqu'elle sera à la fois violée, mais le viol sera réparé. Le petit bouton blanc remplacera la fleur rouge de l'amour défloré. Et donc, Shakespeare pense à tout. Il pense effectivement non seulement à faire rire avec quelque chose d'aussi irréparable qu'une fée violée par un âne, et même pas violée. Enfin, il est si peu attentif à elle, le pauvre Bottom, qui n'est pas amoureux, qui n'est pas... Et en même temps, tout sera réparé. C'est-à-dire qu'il aime jouer avec ses sensibilités, où on est effectivement au bord des gouffres, et puis à la dernière minute, le rire ou la réparation intervient. Oui, ce fabuleux monde des fées, où même un viol peut être réparé à quelque chose de voilà. La fois romanesque. Et le monde des fées garde cette légèreté, cette tendresse. On a ces fleurs minuscules, ces fleurs qui pleurent avec la lune, quand Titania se ridiculise au point d'aimer un âne. Donc on a cette participation d'un monde végétal, délicieux, raffiné, exquis, et les fleurs pleurent sous la lune. La lune aussi, on passe par toutes les couleurs. Naturellement, elle est d'abord la lune, elle est la première nommée dans la pièce, elle va présider aux épousailles. Et encore faut-il un calendrier, on ne s'épouse pas à n'importe quel moment à l'époque de Shakespeare, il faut donc calculer le calendrier qui reviendra en scène sous la forme ridicule du calendrier qu'il faut bring in moonshine, apporter le clair de lune en scène, c'est-à-dire les artisans qui ont besoin, qui pensent qu'il faut absolument un clair de lune hyper réaliste pour leur pièce, sinon leur tragédie ne pourra pas être jouée. Alors on a tous les jeux, Shakespeare qui joue avec tous les symboles, et puis au contraire, ces artisans qui sont évidemment extrêmement pédestres et qui veulent pas de symboles, ils veulent le vrai clair de lune, cet homme arrivant avec son échelle, sa lanterne et son chien. Le symbole persiste, cette fois-ci, au sein du monde des humains, puisqu'on l'a entendu à la fin de l'extrait qui a été diffusé juste avant. Puck dit à Oberon qu'il a bien répandu la petite fleur d'Occident sur l'Athénien en question pour le rendre amoureux de sa femme. Or, c'est l'inverse qu'il se passe, il se trompe de personnage, si bien qu'à leur réveil, finalement, Hermia, qui était folle amoureuse de Lysandre, et réciproquement, découvre que Lysandre ne l'aime plus. Car le sort qui a été jeté fait qu'il a vu Helena en premier, et donc n'est plus amoureuse de celle qu'il souhaiterait épouser. Ce qui crée un quiproquo qui pourrait être très drôle, et qui l'est par moments, si ce n'est que cette Helena, que personne n'aime, réalise que son ami et son amant semblent lui avoir tourné le dos, et la détresse qui s'empare d'elle alors qu'elle comprend que son ami de toujours, Hermia, ne l'aime plus, à quelque chose de vraiment bouleversant et de très très fort. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'Helena pour voir comment Shakespeare manie le registre avec une telle subtilité que l'on passe de la poésie au drame en un clin d'œil. Que la nuit est donc malicieuse! Elle vous met un bandeau sur les yeux et vous envoie comme guide tous les bruits de la forêt. En plein jour, je ne t'aurais peut-être pas entendu. Et c'est l'obscurité qui m'a permis de courir jusqu'à toi. Méchant! Pourquoi m'as-tu laissée toute seule? Mais comment oses-tu venir me chercher ici? Ne comprends-tu pas que si je t'ai quittée, c'est d'abord parce que je te hais? Vous ne pensez pas ce que vous dites? C'est impossible! Horreur! Elle est du complot, elle aussi. Elle a tout préparé, décidé, machiné avec eux. Et elle accourt pour m'achever sous leurs yeux. Ainsi, c'est toi, Hermia, qui changes de camp et te mets du côté des garçons? C'est toi qui viens prolonger ce jeu qui fait de moi leur souffre-douleur? Hermia, qu'as-tu fait de nos confidences, les tiennes, les miennes, de nos promenades, de nos promesses sous les murs de l'école? Tout cela, toute notre amitié rapide et impatiente, tu l'as donc oubliée. Et pourtant, Hermia, que de fois, pareil à deux déesses brodeuses, nous avons du bout de nos aiguilles créé ensemble un arbre ou une fleur. Rappelle-toi, nous étions assises sur le même coussin, penchées sur le même métier, fredonnant la même chanson, comme si nos mains, nos corps, nos voix, nos âmes eussent été confondues. Une boucle de cerise au bord d'une branche, voilà ce que nous étions. Deux fruits, mais une seule attache. Deux chairs, mais un seul cœur. Comme ces filles jumelles qui ont droit, lorsqu'elles sont les premières nées, au même écusson, au même cimier sous la même devise, deux à la première. Mais voilà ce que tu déchires en ce moment. Toi, une amie, toi, une fille, toi qui te ligues avec les garçons pour mieux les amuser de ma honte. Mais cette insulte, tu crois peut-être qu'elle ne s'adresse qu'à moi seule? Détrompe-toi, notre sexe tout entier la ressent. Et il aurait le droit de te la reprocher un jour. Helena ne sait pas que Lysandre est sous l'emprise d'un sort et d'ailleurs elle s'offusque davantage du détournement d'Hermia que de celui de Lysandre ou de Démétrius. Les propos qu'elle tient ici, Gisèle Venet, sont assez incroyables, ils sont très très forts puisqu'elle semble parler même au nom du sexe féminin, dit-elle, qui ne lui pardonnerait pas de l'avoir abandonnée. Elle qui vivait en harmonie avec son amie comme, dit-elle, deux cerises jumelles. C'est l'expression employée dans la traduction de Jean-Michel Desprats. Oui, c'est un moment extraordinaire dans la pièce. C'est véritablement ces amants en miroir. Ils vivent en miroir. Et ici, on a plus que le miroir. On a véritablement la créature hermaphrodite, le même dans le même. Elle ne formait qu'un seul corps, c'est-à-dire le mythe platonicien, évidemment, d'avant la division. Le mythe d'Aristophane. Voilà. Et donc, d'avant la division des corps, elles sont encore, elles étaient un même corps, elles étaient une même unité, c'était vraiment le même dans le même. Et ça, c'est un des grands mythes maniéristes de cette fin du XVIe siècle. On le retrouve aussi tout le temps. Et c'est un moment très émouvant. Et Helena a un statut spécial dans, parmi les amants. Elle est celle, justement, qui n'est pas, au fond, manipulée par les grands mythes de l'amour. Elle est véritablement, d'abord, d'une extrême candeur, toujours, et d'une extrême droiture. Et elle est tout mensonge et toute manipulation. C'est ce qui lui fait peur dans Hermia, tout d'un coup. Elle pense que Hermia est de connivence avec les deux hommes. Et elle se sent encore plus rejetée, puisque le même qu'elle, l'identité qu'elle avait connue dans son enfance, cette absolue gémellité, est menacée dans ce moment-là, justement, quand elle pense que Hermia, toujours très douce avec elle, comme elle l'avait été, rejoint les garçons pour la maltraiter. On a quelque chose d'une très grande candeur dans Hermia, et elle est toujours à la scène, extrêmement touchante. Elle est très gauche en général, gauche, très grande, dégingandée. Enfin, c'est vraiment la jeune adolescence qui n'a pas encore compris dans quel monde elle allait être. Mais en même temps, elle est très vraie. Elle n'a aimé qu'un seul homme et elle n'aimera qu'un seul homme. Démétrius. Et heureusement, il lui reviendra. Mais elle nous apprend beaucoup, cette jeune fille gauche telle que vous la décrivez. Non seulement que, au sein de la pièce, la question de l'identité de la gémellité est supérieure encore à celle de l'amour, puisqu'elle souffre davantage du détournement d'Hermia que de celui de Démétrius, mais également qu'il y a une différence peut-être infranchissable entre la fille qu'elle est, les filles qu'elles étaient avec Hermia, et les garçons. Elle le dit bien, tu as rejoint les garçons. Il y a comme un fossé qui se creuse ici entre les garçons et les filles. Oui, c'est d'ailleurs le fossé qui va se creuser de leur âge. Ben, il faut penser qu'ils ont entre 13, 14, 15 ans. C'est l'âge de Roméo et de Juliette, qui est écrite comme tragédie la même année. Ils sont extrêmement jeunes et ils vont découvrir, ils sortent de leur enfance pour découvrir l'altérité. Et cette découverte de l'altérité, elle se fera effectivement selon des modalités très différentes dans Shakespeare, selon qu'on est dans les premières pièces, les premières comédies, où le même cherche le même. Même quand on cherche l'homme, on cherche l'homme à l'identique de soi, comme par exemple dans La Nuit des Rois, une jeune fille se déguise en garçon, et il y a une espèce de gémellité formidable avec celui qui sera son amant. Et en fait, elle est une fille sous les habits de garçon, mais on ne peut pas rêver plus garçon qu'une fille sous des habits de garçon à cet âge-là. Et donc, c'est ce jeu avec ces jeunes amants qui se ressemblent, qui sont tellement gémellaires. De même, Lysandre et Démétrius sont impossibles à différencier. Pensez-vous que Shakespeare, à travers ses différents personnages et ses multiples rebondissements, soutienne une certaine position vis-à-vis de l'amour? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une philosophie shakespearienne de l'amour? Ou est-ce qu'il déconstruit en permanence ce qu'il avance? Oui, c'est ça, il faut se dire qu'il déconstruit en permanence ce qu'il avance, ça c'est très juste. Parce que déjà une position. Juste, voilà. Mais en même temps, bien sûr, d'abord il y a l'héritage des mythes, et si lui n'a pas lu Platon en direct, d'autres l'ont lu pour lui, et il l'a récupéré à travers ce qui en a été fait dans son siècle. Oui, parce qu'il écrit beaucoup à partir de pièces déjà existantes, oui, mais cette pièce-ci est une des rares. Voilà. Qu'il a créé de toute pièce, si j'ose dire. Ah oui, il a créé de toute pièce. C'est la plus extravagante. Il n'a pas d'intrigue qui la soutienne, puisque toutes les intrigues partent en fumée. On partait sur une grande tragédie, on n'aura pas de tragédie. On partait sur des amants amoureux, on n'aura pas véritablement d'amour qui se construira jusqu'au bout, sauf par magie. On a vraiment, à tout moment, on nous fait espérer une tragédie terrible et on n'en verra que l'envers comique et burlesque joué par les artisans. Donc, à tout moment, effectivement, Shakespeare nous fait espérer des moments qui nous sont familiers. On les a déjà vus, on a déjà vu peut-être Roméo, Juliette, etc. Et tout d'un coup, on est complètement désemparé parce que tout nous file dans les doigts. Et il le fait exprès, bien entendu. Il y a une sorte d'irrévérence extraordinaire pour les héritages de son temps. et en particulier les héritages humanistes, les héritages des grandes tragédies, les héritages pétrarchistes. Il n'est pas le seul, évidemment, à se moquer de Pétrarque. On s'en moque depuis les années 1550. Dans la Pléiade française, par exemple, effectivement, Du Bellay, c'est déjà ne refuse de pétrarchiser. C'est-à-dire de jouer les amants transis, enfin, etc. Il veut des amours plus charnels. Et cette pièce-là, c'est exactement ça, parce qu'au fond, la chair apparaît, et en même temps, on n'a pas véritablement une pièce complètement charnelle. Tout est toujours réparé, tout nous glisse entre les doigts au moment où on se dit « je vais avoir quelque chose de vraiment très burlesque ». Eh bien, finalement, on est ému. Au réveil de cette nuit empreinte de songes et de sortilèges, les amants se sont endormis les uns près des autres, tous les quatre. Thésée va les découvrir en compagnie d'Hippolyta et d'Égée. Et ils vont se rendre compte qu'alors que la journée est celle du 21 juin, donc le solstice d'été, bien peut-être que ces amants auraient célébré tardivement les fameuses fêtes de mai que l'on célèbre en Angleterre. Ils ne savent pas qu'il n'en est rien, qu'ils ont même été victimes d'un sortilège. Écoutez ce quiproquo qui donne lieu à une scène très intrigante. Oh, mais regardez, quelles sont ces nymphes ? Oh, monseigneur, mais c'est ma fille. Ma fille qui dort ici. Et voici Démétrios. Et voici Hélène. Ah, mais je suis plutôt surpris de les retrouver ensemble. Sans doute, ils se sont levés comme nous de bon matin pour célébrer les rites du mois de mai. Mais dites-moi, Égée, n'est-ce pas aujourd'hui qu'Hermia doit nous donner sa réponse ? Oui, monseigneur. Alors, donnez ordre à mes piqueurs de les réveiller au son du cor. Bonjour, mes amis. La Saint-Valentin est pourtant passée. Comment se fait-il que dans ce bois, les oiseaux ne commencent à s'accoupler que d'aujourd'hui ? Pardon, monseigneur. Tous se prosternent devant Thésée. Relevez-vous, je vous prie. Je sais que vous êtes rivaux et ennemis. Par quel miracle dormiez-vous l'un près de l'autre, sans jalousie ni inquiétude ? Monseigneur, c'est un homme, ahuri, qui vous répond. Ahuri et encore à moitié couché dans son sommeil. Je vous jure que je ne saurais vous dire pourquoi je me trouve ici. Pourtant, il me semble, car je voudrais retrouver l'exacte vérité. Oui, maintenant je me rappelle. Je suis venu par ici avec Hermia, et notre projet était de nous enfuir pour échapper aux lois d'Athènes. Oh, assez ! Assez, hein ? Monseigneur, vous en avez assez entendu. Je réclame l'application des lois. Non, il voulait, tu comprends, Démétrios, nous voler tous les deux. À toi, ta femme, à moi, mon autorité. Monseigneur, je ne sais par quelle puissance inconnue mon amour pour Hermia a fondu comme neige et s'en est allé rejoindre les jouets de notre enfance. Et maintenant, celle que j'aime, ma joie, ma force, les battements de mon cœur, c'est Hélène. D'ailleurs, n'étais-je pas fiancé à Hélène avant d'avoir connu Hermia ? J'ai l'impression d'une de ces longues maladies pendant lesquelles on déteste les bonnes choses. Mais aujourd'hui, c'est la guérison, et me voici soudain dans mon appétit retrouvé. Hélène, c'est toi que je désire. Heureux amant, heureuse rencontre. Égée, j'annule vos décisions. Ces deux couples seront mariés tout à l'heure et en même temps que nous. Et comme la matinée s'avance, nous remettons notre chasse, en route pour Athènes. Trois amoureux, trois amoureuses, nous aurons une belle fête. Venez, Hippolyte. Et tout semble aller bien dans le meilleur des mondes. Gisèle venait au réveil de cette nuit de sortilèges et de songes dont on ne sait quel type de vérité il a révélé. Les couples s'assemblent assez naturellement. Lysandre réalise son amour pour la personne qu'il aimait depuis le début, pour Hermia. De ce fait, il n'y a plus de problème en fait. Oui, on vient quand même d'apprendre quelque chose de majeur, c'est qu'ils ont subi la maladie d'amour. Et que donc Shakespeare, là aussi, s'amuse encore avec une de ses thématiques qui a parcouru les siècles, la mélancolie, la mélancolie amoureuse, la maladie d'amour, qui a été absolument fondée par Pétrarque, cette impossibilité jamais de franchir cette voluptas dolendi, cet amour de souffrir, qui est toute la cour amoureuse, toutes les incertitudes de la cour amoureuse. Et il s'en éveille. Au-delà, c'est-à-dire quand tout est fini, quand les rites de mai sont accomplis, qu'ils ont oublié d'accomplir eux-mêmes, les jeunes amants, Shakespeare aussi s'en moque de ça. De la même façon, il se moque aussi de cette Saint-Valentin qu'ils ont oublié de célébrer. Cette Saint-Valentin, dans dans 3 ou 4 ans, elle reviendra avec la grande lamentation d'Ophélie, puisque Ophélie folle rappelle combien elle avait célébré la Saint-Valentin. Dans Hamlet. Dans Hamlet. Cette Saint-Valentin, probablement, ou peut-être aurait-elle été déflorée. En tout cas, ça pouvait être la nuit des déflorations, et la nuit dangereuse des déflorations, et en même temps la nuit de l'amour. On est toujours dans ce moment, au fond, d'incertitude, de cette maladie amoureuse d'avant le mariage. Mais après le mariage, on n'en parle jamais dans Shakespeare. Et donc, sauf sous des formes, bien sûr, on aura l'amour de Lady Macbeth pour son mari, mais on sait comment elle va s'en servir. Donc, en tout cas, là, on est dans cette maladie d'amour qui précède le moment du mariage. On l'a exactement, c'est l'histoire du songe. On va les voir tous dans cette maladie amoureuse jusqu'au moment où ils s'éveillent complètement surpris de ce qu'ils croient être un songe, sans savoir si c'est un songe, de ce qu'ils ont pris pour une vérité, et qui en même temps, pour nous qui les avons vus sur une scène de théâtre, est à la limite, effectivement, de l'irréel. Donc, Shakespeare joue à tout moment de cette irréalité qui entoure, effectivement, cette maladie d'amour des gens très jeunes, qui se cherchent, qui se chamaillent, qui se poursuivent, qui s'aiment, ne s'aiment plus. Et il en joue. Mais au réveil, tout paraît clair, précisément. Comme si le trouble qu'avait jeté le songe... Clair, ça dépend à qui. Dans la bouche de Lysandre, en tout cas, elle dit « Mais en fait, voilà, c'est ça, je suis venue ici avec Hermia, notre intention était de quitter Athènes, on voulait fuir à la loi, il le dit, hein, sachant très bien qu'il va froisser Égée. » Et finalement, il a une forme de naïveté, et il reconnaît, il dit chercher cette exacte vérité, ce sont ses termes, et sa naïveté, son absence de filtre, pour le coup, lui permet de reconnaître qui il aime vraiment. Oui, mais il en sera tout de même éberlué. Ils sont sûrs de retrouver leur amour, mais en le retrouvant, ils ne sont pas sûrs si ça n'est pas un bijou trouvé, comme dit Elena, un bijou trouvé dont elle ne sait s'il est à elle ou s'il appartient à quelqu'un d'autre. Oui, donc c'est la nature de l'amour. Voilà, ici qui est c'est la nature de l'amour qui est troublante et qui fait qu'il n'y a aucune certitude. Même quand ils se retrouvent, même quand Démétrius redéclare son amour à Helena, il restera tout de même cette incertitude, il restera ce songe d'une nuit d'été entre eux, effectivement, dont on ne sait si c'est un songe, dont on ne sait si c'est une vérité, dont on ne sait si c'est ces moments de vie amoureuse avant le mariage, où effectivement les amants se cherchent et les amants se quittent, et parfois se quittent pour toujours, ou parfois se retrouvent comme Hermia et Lysandre après des moments très cruels, après ce serpent dans la bergerie. Ce qui est très clair, c'est que le songe n'arrive qu'avant le mariage. C'est ce que vous venez de dire. Oui, le mariage conclut la pièce et dissipe toute forme de songe d'ambiguïté. Oui, d'ailleurs, on aura les songes de Titania et d'Oberon, qu'ils se reprochent l'un à l'autre, quand ils étaient, lui, amoureux de l'Amazone et elle, amoureuse de Thésée, dans la fameuse rencontre, terrible rencontre dans la forêt, où Oberon et Titania se rencontrent. Et où Titania révèle que la nature elle-même est malade d'amour, malade de cette impossible réconciliation. On ne peut plus semer le blé, il pourrit. Les champs sont sous les eaux. Enfin, on ne reconnaît plus. C'est un véritable désastre écologique. On ne reconnaît plus les champs. Et donc, une simple petite querelle entre Oberon et Titania. Une querelle amoureuse autour d'un petit garçon dont on n'entendra plus parler d'ailleurs, fait que la nature entière en est bouleversée. Ça aussi, c'est platonicien. C'est-à-dire qu'il faut une harmonie de la nature entre l'homme et la nature et que toute querelle amoureuse est un danger pour cette harmonie, danger pour l'harmonie de la nature elle-même. Ça nous est donné à travers cette querelle entre Oberon et Titania. Et pourtant, Titania va se réveiller, retrouver les bras d'Oberon et se dire « mais j'ai rêvé d'un monstre » et c'est effroyable. Elle-même épouvantée du rêve qu'elle a fait. Il n'y a que Bottom qui est comblé par son rêve. mais il ne peut pas mettre de mots sur son rêve. Et voilà, il est troublé, mais il n'arrive pas à nommer, ce qui lui est arrivé. Oui, et puis en plus, il est perturbé par le fait qu'il entend ce qu'il devrait voir, il voit ce qu'il devrait écouter, c'est-à-dire qu'il est perturbé même dans l'expression de son rêve. Il n'arrive pas à trouver les mots pour le dire. Vous voulez qu'on l'écoute ? Voilà, ça serait bien. Le trouble de Bottom. Oui. Oh, quand vous en serez à ma réplique, hein, appelez-moi, j'arriverai. Ma prochaine réplique, c'est Pyram, mon beau Pyram. Oh! Oh là! Oh! Oh là! La mort de ma vie, ils ont tous filé pendant que je dormais. Ah, mais il m'est venu un rêve. Un rêve de... Un rêve sur... Ah non, il n'y a pas assez de choses dans la tête d'un homme pour raconter ce rêve-là. Celui qui voudrait me l'expliquer ne serait qu'un homme. Il me semble que j'étais... Personne au monde ne saura jamais, pas même moi. Il me semble que j'avais... Ah, il faudrait porter des grelots et une tête de fou pour essayer de dire ce qu'il me semble que j'ai rêvé que j'avais. Ah. Tant que les hommes n'auront que leurs yeux pour voir, et leurs oreilles pour entendre, et leurs mains pour toucher, et leur tête pour comprendre, il n'y aura guère moyen d'espérer une explication de tout ce que j'ai vu cette nuit. Ah. Je demanderai tout de même à Lecoing de me composer une chanson là-dessus. Cette chanson s'appellera « Le songe de Bottom ». Et je la chanterai à la fin de la pièce. Et après la mort de mon personnage, je la chanterai une deuxième fois, si elle me plaît. Voilà. Cette mise abîme dans cette page sublime, elle venait à quelque chose de, à la fois de comique et de très touchant. Et il dit bien « Bottom » est donc celui qui répète depuis le début de la pièce la tragédie de Pyram et Thisbé, qu'il va vouloir mettre en scène pour le mariage tant attendu entre Thésée et Hippolyta. S'il se réveille, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé, que le rêve qu'il a eu dépasse les facultés humaines, qu'il ne peut pas raconter. Et pourtant, il ne cesse de répéter le fait qu'il ne peut pas raconter pour finalement dire « Eh bien voilà, j'écrirai une chanson, je la chanterai, le rêve de Bottom, et ainsi les gens pourront comprendre ce qui s'est passé. » C'est ici une réflexion sur les moyens à notre disposition, les moyens langagiers pour raconter ce qui se passe. On entend moins bien dans cet extrait ce passage absolument extraordinaire où il dit « L'œil de l'homme n'a pas entendu, l'oreille de l'homme n'a pas vu, la main de l'homme ne peut pas goûter, sa langue concevoir, ni son cœur raconter ce qu'a été mon rêve. » C'est-à-dire qu'il n'a plus les mots. Voilà, vous dites dans la traduction de Jean-Michel Desprez. Shakespeare, oui, dans la traduction de Jean-Michel. Shakespeare, là, à ce moment-là, se moque même de son propre art. Lui, Dieu sait s'il a l'art d'apposer le bon mot à la bonne émotion au bon moment, même quand il fait des scènes complètement ahurissantes de... comme ces féeries ou comme les rencontres entre Oberon et Titania, etc. Et il se moque lui-même de son propre, de sa propre capacité à mettre en mots. On a l'impression qu'il y a quelqu'un, tout le temps Shakespeare est là, en train d'expliquer à quel point c'est lui le plus maladroit de tous. C'est lui qui ne trouve pas ses vrais mots. Et alors il met Bottom en scène pour nous le dire. C'est absolument... c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs à la fin. C'est ça, mais le mot de la fin revient à Puck et non à Bottom. Oui, Puck, qui est mais le serviteur, avant le mot de la fin, il y a une très grande indulgence de Thésée quand on lui dit « mais ça sera tellement mauvais, cette tragédie, c'est impossible, vous ne pouvez pas, c'est hilarant et tout le monde va rire ». Et il dit que justement, c'est ça, l'indulgence qu'ils auront, c'est cela qui sera justement... les conditions mêmes de l'œuvre d'art, et qu'il faut une très grande participation. Donc Thésée parle de la pièce dans la pièce, Pyram et Thisbé, mais ce faisant, Shakespeare parle de la pièce que nous sommes en train de lire ou à laquelle nous sommes en train d'assister. Voilà. Voilà. Donc Shakespeare semble tout le temps faire le commentaire de son art propre, de même qu'il sait la difficulté qu'il y a à représenter un mur, il en sort, puisqu'il a fait représenter un mur dans Roméo et Juliette, un mur qui séparait les amants, et là, ça se repose. Alors là, il en rajoute Il y a des pierres, il y a du ciment, etc. Alors qu'il sait très très bien qu'il n'y a pas de mur au théâtre, ni avec des pierres, ni avec du ciment. Donc on a cette façon tout le temps de jouer avec son spectateur, de le prendre en otage, mais en même temps aussi de parler avec lui comme s'il n'avait au fond qu'un seul complice dans tout ça, c'est son spectateur. Si nous, ombre, vous avons offensé, pensez alors, et tout est réparé, qu'ici vous n'avez fait que sommeiller lorsque ces visions vous apparaissaient. Et ce thème faible et vain, qui ne créait guère qu'un rêve, gentil spectateur, ne le blâmez pas. Pardon, nous ferons mieux la prochaine fois. Aussi vrai que je suis un honnête puck, si nous avons la chance imméritée d'échapper à vos sifflets de serpent, nous vous consolerons avant longtemps. Sinon, traitez puck de menteur. À tous, bonne nuit, de tout cœur. Si nous sommes amis, applaudissez très fort, et Robin saura réparer ses torts. Le songe d'une nuit d'été par Mendelssohn pour nous quitter. Gisèle Venet, un grand merci à vous d'être venue nous parler de cette pièce aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. C'était délicieux de parler avec vous. C'était très agréable et vous donnez très envie de lire cette pièce. Heureux sont ceux qui l'étudient cette année. C'est le cas des prépas scientifiques, mais ça peut être votre cas à vous aussi, chers auditeurs. Il est toujours temps de lire Le songe d'une nuit d'été dans la traduction de Jean-Michel Desprats et l'édition bilingue que vous présentez, Gisèle Venet, en folio Gallimard, mais aussi les œuvres complètes de Shakespeare en Pléiade, grâce à vous et Jean-Michel Desprats. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, le songe continue encore quelques minutes grâce au Journal de la Philosophie de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour cette semaine de rentrée, vous avez sélectionné chaque jour un essai qui vous a marqué. Quel est le deuxième essai que vous avez retenu? Eh bien, c'est l'essai du sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, Résonance, une sociologie de la relation au monde, qui paraît aux éditions de La Découverte. Hartmut Rosa, son nom ne vous dit peut-être rien, il est pourtant l'un des grands penseurs de notre époque sur un phénomène tout contemporain. Dans une course, à force d'aller vite, on va peut-être gagner, ça dépend. Parce que si on va trop vite, on va commencer à perdre de l'énergie, donc on va commencer à ralentir. Super juste. Bah c'est comme l'essence, il en faut pour pouvoir accélérer, bah c'est comme les ressources. À un moment, quand on veut trop aller trop vite, bah à un moment on finira par tomber en panne et s'arrêter. On est happé depuis 150 ans, et d'une manière accélérée depuis quelques années, par deux principes dont on ne veut pas se débarrasser. C'est le principe technologique, tout ce qu'on sait faire on le fait, et le principe économique, tout ce qu'on peut se payer on se le paye. Vous l'aurez compris, on doit à Hartmut Rosa une des réflexions majeures sur notre époque, ce qui est aussi une plainte largement partagée, fréquente, parfois même fatigante, l'accélération du monde ou l'affirmation selon laquelle tout va plus vite et trop vite. C'est en 2005 que Rosa fait paraître Accélération, une critique sociale du temps, s'inscrivant outre-Rhin dans la voie ouverte par le philosophe français Paul Virilio sur la vitesse. Et avec ces deux penseurs, le constat de l'accélération ne relève désormais plus seulement de l'impression ou de la psychologie, mais il trouve une assise philosophique et sociologique. Tout va plus vite, vous ne vous trompez pas, il y a bien un phénomène d'accroissement et de dérèglement entre nous et le monde, entre nous et nous-mêmes. Par le jour et la nuit, ces merveilles bien étranges. Il est plus de choses existantes sur la terre et dans le ciel, Horatio, que tout ce qui peut en être rêvé par ta philosophie. Hamlet, restez seul. Le temps est disjoint. Il a du jeu. The time is out of joint. Enfer Dieu qui me fit naître pour le réajuster. Comment faire quand le temps est disjoint ou hors de ses gonds, pour reprendre le mot d'Hamlet dans la pièce de Shakespeare? En a-t-on le pouvoir, la capacité, la force? La réponse se trouve précisément dans ce nouvel essai de Hartmut Rosa, Résonance. La résonance ou la solution au problème de l'accélération, comme l'annonce la toute première phrase et thèse de ce livre. Mais que faut-il entendre par résonance? Pourquoi raisonner serait-il le remède à l'accélération du monde? Comment adopter cette attitude de la résonance? Et est-ce seulement une théorie, une éthique qui se cultive et se pratique, ou encore un manuel que l'on doit à un philosophe soucieux de sortir de la pure abstraction? Eh bien là, la réponse se développe en quelques 526 pages. On est loin des ouvrages de développement personnel et de leurs recettes miracles en 2-3 trucs. De manière générale, ne vous attendez à rien de ce que l'on entend sur l'accélération et ses remèdes. À l'image de ce terme de résonance, les analyses et les exemples de Rosa n'ont rien de ce qu'on lit pour contrer la course du monde. Non, première idée inattendue de Rosa, la résonance n'a rien à voir avec la décélération. Non, la résonance n'a rien à voir avec la décélération, lever le pied, déconnecter, se replier. Et elle n'a rien à voir non plus, et c'est la deuxième grande idée de Rosa, avec une critique seule de la modernité, comme on l'entend trop souvent. Mais reste la question, alors, qu'est-ce que raisonner? Eh bien, c'est tout simplement vibrer. Pour employer un synonyme, ce n'est plus s'étendre, mais s'entendre. Et là, c'est Pink Floyd qu'on entend, Géraldine. Exactement. Vous entendez bien, là? Oui, j'entends, je décélère. Rosa insiste ainsi sur la nature de notre relation au monde, dans le monde. Respirer, ne pas l'instrumentaliser, mais s'accorder avec lui. Chanter, exacerber ce que les modernes avaient aussi entrevu, la sensibilité de l'âme, l'importance des passions. Ce faisant, s'accomplit une troisième grande chose avec ce livre, nous parler de bonheur autrement, sans nous en dire quelles en sont les conditions, les ressources ou les moyens, mais à quoi il pourrait ressembler. Merci Géraldine. Le livre s'appelle donc Résonance. Pardon, je flotte sur Pink Floyd. Mais oui, comme quoi vous avez choisi la bonne musique pour illustrer votre propos. Donc un petit peu de patience, ça sort la semaine prochaine, le 6 septembre. Ça s'appelle Résonance, une sociologie de la relation au monde. Ça paraît aux éditions de La Découverte. Et puis un petit peu de patience aussi parce que Hartmut Rosa, vous le recevrez à ce micro même le 28 septembre. Exactement, on a bien hâte, mais j'ai retenu la leçon, il ne faut pas trop s'impatienter. Donc nous essaierons de propager la résonance de ce livre qui porte bien son nom. Merci beaucoup Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Géraldine Mosna-Savoy, Eva Ferenzi, Marie Simon, Anaïs Isbert et Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Jacques Azubert. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'amour en compagnie de Michel Crouzet, spécialiste du romantisme et de Stendhal, avec qui nous évoquerons la Chartreuse de Parme. D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.